Le comité préparatoire pour la journée de la brillante étoile vient d'être constitué le 17 courant au Forum allemand anti-impérialiste. Le comité préparatoire a fixé l'espace du 17 janvier au 16 février comme période de célébration et décidé d'organiser diverses cérémonies politiques et culturelles telles que séminaires, expositions de livres et de photos et séances films.